Document F, chapitre 2e, communication de Viktor Ilitch Leonov. L'exposé a eu lieu à l'Institut d'études politiques de Paris à la demande du directeur de l'école. L'intervenant se livre ici à une réflexion géopolitique. Camilla Jenkins, la journaliste de la BBC, écouta la déclaration de Vladimir Popov, laissa ses collègues l'interroger sur l'attentat, puis en vint à la question à laquelle tenaient ses lecteurs. Qu'a représenté pour vous, monsieur le Président, la chute de l'URSS ? Après avoir ménagé un silence, comme pour se donner le temps de la réflexion, il dit : Cela est la plus grande catastrophe humanitaire de ce début de millénaire. 25 millions de citoyens soviétiques, russes pour la plupart, se retrouvent hors des frontières de la Russie. Ils sont raballés au rang de citoyens de seconde zone, au statut d'étrangers dans des pays où ils ont vu le jour. On les ostracise, les maltraite, les rejette. Camilla Jenkins reprit la parole. Ces gens n'ont pas été chassés. Le terme de catastrophe humanitaire n'est-il pas un peu fort ? Sans se départir de son calme habituel et avec un sourire de circonstance, Popov rétorqua. Madame, 25 millions de Russes sont concernés. C'est l'équivalent d'un gros pays européen. Tous mes compatriotes se sont retrouvés piégés de l'autre côté d'une frontière sans qu'on leur demande leur avis. Certes, ils n'ont pas été contraints de choisir entre la valise ou le cercueil, mais la situation est dure à vivre. Le journaliste de Der Spiegel enchaîna. Craignez-vous pour leur sécurité ? Popov trouva la question judicieuse. Je constate une montée du nationalisme hostile dans un certain nombre de pays frontaliers. La haine du russe sert de programme à des dirigeants qui n'ont rien d'autre à offrir à leur peuple. Nos concitoyens discriminés se retrouvent souvent sans ressources. Faute de moyens, ils ne peuvent partir ni même retrouver leurs proches à cause des nombreuses formalités administratives imposées pour leur sortie du territoire. Ils n'ont ni travail ni logement là-bas. Ils n'ont nulle part où aller. Ils craignent de perdre le peu qu'ils ont. N'est-ce pas une tragédie, cela ? Popov marqua une pause, but un verre d'eau, toisa le journaliste allemand et poursuivit. Après le diktat de Versailles, votre pays a connu la même injustice, mein Herr. Cela nous a menés tout droit à la guerre, n'est-ce pas ? La Russie est pacifique. Mais elle ne tolère pas que du mal soit fait à son peuple. Aujourd'hui, nous réclamons pour les minorités russes les mêmes droits que nous accordons à nos minorités. Tout russe sera chez lui, ici. Dans les territoires où les russophones sont majoritaires, nous défendrons leur droit à l'autonomie. Le reporter américain de CNN glissa d'une voix imperceptible qui n'échappa pas à Popov. Ne craignez-vous pas, monsieur le président, que cette déclaration soit prise comme une menace à peine voilée par vos voisins ? Droit dans ses bottes, avec un sourire qui se voulait engageant, le chef d'État répondit « Rassurez-vous, monsieur. Sachez que, pas plus que nos amis américains, nous ne sommes impérialistes ou interventionnistes. D'ailleurs, voyez-vous, ma plus grande ambition personnelle est d'être un jour lauréat du prix Nobel de la paix et d'égaler ainsi votre ancien président Barack Obama. Je suis un pur et absolu pacifiste. Je dois même avouer que depuis la mort du Mahatma Gandhi, je n'ai plus personne avec qui parler. Quand je monte à la tribune de l'ONU, je me sens désormais bien seul. » Cette dernière phrase, frappée du sceau de l'anachronisme, déclencha l'hilarité générale. Popov remercia l'Assemblée et se retira. Léonid Sergueï Kikov, feuillet pour une légende, attentat islamiste de Fatia et Azorouba.